Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, le marché, c'est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Bonsoir à tous, c'est Thierry Gallet. J'espère que vous allez très très très très bien parce que moi, il se trouve que je vais très très très très bien. C'est la saga des Fab Four numéro 372 ce soir que nous entamons avec pour album de la semaine, l'album New. Parce que j'avais écouté récemment un petit peu de Paul McCartney de cet album-là et je me suis dit mais il y a bien longtemps qu'on n'a pas écouté l'album New et on attend également le prochain album de Paul McCartney pour cette année, on espère en tout cas. Bref, on aura 6 extraits d'abord New, évidemment. Il y aura également Everybody Out There, il y aura On My Way to Work, Alligator, Turnout et I Can Bet, que j'adore particulièrement. J'adore cette chanson-là. Il y a un riff dedans qui est vraiment extraordinaire. Il n'y aura pas que ça. Il y aura du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, Sweet Little 16 sur l'album Rock'n'Roll en 1975. Pour Harrison, il nous chantera une chanson comme il sait le faire. Une chanson d'amour que j'adore. Love comes to everyone. Et d'ailleurs, si Love peut venir à moi, ça me ferait bien plaisir. Ça me changerait un petit peu. Ensuite, pour Ringo Starr, il y aura She's About to Move, une chanson issue de l'album de 1983, Old Wave, Vieille Vague. Je vous ai déjà dit que pour moi, Ringo Starr reprenait du poil de la bête à partir de 1981 et l'album Stop and Smell the Roses. Eh bien, 1983, il confirme avec ce bel album, ce bon truc. Et cette chanson que vous ne connaissez pas forcément, mais que vous entendrez. Pour les Beatles, on reviendra des classiques. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in a shade. Oui, voilà, octopus's garden, voilà. Pour le reste, je vous convie à aller sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, qui est notre groupe à nous, et on s'y retrouvera dans quelques secondes. Vous avez également un site de référence pour Paul McCartney, le site macaclub.com. Je me suis emmêlé les pinceaux. Sur Facebook, sur macaclub.com. Et puis pour Twitter, si vous le voulez, vous faites le hashtag SagaFabFort et on se parle. Voilà, fin du générique, c'est parti. 2 heures de bonne humeur, 2 heures de bonne musique. De toute façon, le mercredi, maintenant, c'est sûr, depuis qu'il y a Marc, on n'a que de la bonne musique le mercredi soir, de 19h jusqu'à 24. C'est parti. New, Paul McCartney sur RG, c'est maintenant. Bonne soirée à tous et à toutes. What I could do when we were new. album avait été commencé en 1973 et puis mis un peu aux oubliettes parce que c'était l'époque du Long Lost Weekend de John Lennon, dans lequel qui dure plus d'un an hein, quand même. Le Lost Weekend, ça fait vraiment des jours à rallonge. Après tout, quand il était avec les Beatles, il faisait des journées de 72 heures en une journée. Donc qu'un week-end ait duré plus d'un an, c'est un bon retour, je trouve. Ça lui a fait du bien, surtout que malheureusement il a passé son temps en beuverie avec Harry Nilsson et puis en diverses fêtes, etc. Mais bon, il avait commencé cet album-là, Rock'n'Roll, il ne le finira qu'en 1975, il sortira en 1975, et c'est un album vraiment excellent, le retour aux sources de John Lennon. Malheureusement, juste après, ce sera 5 ans de silence, mais bon, voilà, c'était quand même bien. Allez, monsieur George Harrison, maintenant. Love comes to everyone. I hope sometime love will come to me. Thank you.

revenons aux Beatles avec une version marrante, This Boy, la version qui se marre. You're right. Get this bloody little mic out of the way. Dégage ce micro d'ici. Don't be nervous, John. Don't I'm be not. Nervous. Sois pas nerveux, John. Je suis pas nerveux. That boy, I just went dead loud. Oh, come on. Here we go. Oh, don't have stirrups anymore. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. I Call Your Name est sorti en 1964. Quelle excellente année, me direz-vous. D'après les souvenirs de John, il écrivit I Call Your Name à l'époque où il n'y avait pas encore de Beatles, pas encore de groupe. Les Quarrymen sont premier groupe et ont été formés peu de temps après l'acquisition de sa première guitare en mars 1957. Il a dû composer ce morceau soit au moment où il apprenait à jouer de la guitare, soit alors qu'il ne connaissait que le banjo. Les Quarrymen étaient à l'origine un groupe de skiffle formé d'amis d'école de John, qui était alors inscrit à la Quarry Bank Grammar School for Boys. Rod Davis, qui jouait du banjo avec eux, ne se souvient pas d'avoir vu John composer en ce temps-là. À l'époque, nous écoutions les nouvelles chansons qui passaient à la radio et nous essayions de recopier les paroles au fur et à mesure que nous les entendions, raconte-t-il. Le problème, c'est que s'il y avait quelque chose que l'on ne comprenait pas, ou si on n'écrivait pas assez vite, alors on était bloqué. Ce que John faisait, c'était réécrire les passages manquants. Personne ne s'en apercevait, parce que personne ne connaissait vraiment les paroles. Ainsi, la chanson Screamline Train est devenue Long Black Train. Il a également transformé les paroles du tube des Del Viking Go. Comme Go With Me, et je me suis aperçu que plusieurs années plus tard, en entendant l'original. Si cette chanson a effectivement été composée alors qu'il avait 16 ans, il est intéressant de noter que John parlait déjà de désespoir, et les vers I Never Weep At Night, I Call Your Name sont extrêmement proches de ceux de Oh Yoko, chanson composée en 1971, In the Middle of the Night, I Call Your Name, sur l'album Imagine. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Et maintenant voici Real Love, mais une version différente, une version que vous retrouvez sur l'album Imagine, The Motion Picture, sorti en 1988. Ceux qui ont vu ça à l'époque au cinéma, c'était l'histoire de John Lennon avec les Beatles et sans les Beatles, mais racontée par John Lennon grâce à une centaine d'heures d'interviews qu'il avait pu réaliser tout au cours de sa vie. Donc, durant le film, la voix du narrateur, c'est John Lennon. C'était passionnant. Je vous conseille d'acheter ce DVD. Il est vraiment très très bien. Voici donc Real Love en 1988. Oui, bien avant 1995 ou 96, d'ailleurs, le moment où vous avez découvert cette chanson avec les trois autres Beatles. Each little drop Jeff Lynne et moi avons commencé à écrire cette chanson That's What It Takes ensemble. J'ai écrit à peu près 5 parties différentes pour le milieu j'étais sûr d'aucune de ces parties-là. Quand on a fait les chœurs, Gary Wright a ajouté des notes un petit peu bizarres qui sont rentrés dans la section du milieu. Ça avait un petit aspect de Beach Boys et Jeff finalement a trouvé un refrain très catchy. Donc on peut dire que cette chanson a au moins 3 parties différentes. Voilà, c'est pas évident pour moi de traduire sans avoir le track entre de l'anglais ou français directement. J'espère que vous avez à peu près compris. C'est George Harrison qui le disait lui-même dans son bouquin I'm in Mine, excellent bouquin, la Bible de George Harrison. Après les Beatles. Et pendant les Beatles aussi, il en parle. On revient à l'album de la semaine. Et cette chanson surprenante, très jolie. Il y a des climats différents dans toutes ces chansons de l'album New. Voici On My Way to Work sur RG. On my way to work, I rode a big green bus. I could see everything from the upper deck. People came and went, smoking cigarettes. I picked the packets up when the people left. But all the time I thought of you, how far away the future seemed. How could I have so many dreams and one of them not come true? To work, I bought a magazine inside a pretty girl like to water ski. She came from Chichester to study history. She had removed her clothes for the likes of me. So acting wild. You're the man I love to hate. With chicken wings, but baby, I want diamond rings. What's up with your mind? Are you insane? Oh. You know, baby, when I'm telling lies, now I need no alibi. Oh, yeah. Who's your daddy? Alors j'en vois certains qui se disent « Oui, mais la fille, on la connaît pas. » Mais j'ai pas dit le contraire, c'est Josh Stone. Alors peut-être que vous, vous la connaissez. Personnellement, je ne la connais pas. En tout cas, elle est apparue sur l'album Why Not en 2010 de Ringo Starr pour cette chanson « Who's Your Daddy ?» sur RIG. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Chanson extraordinaire, Baltimore Oriole, en 1981, sur l'album Somewhere in England, George Harrison, sur RIG. Simple day. jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'aime trop ça. On reste avec George Harrison. Je vous propose une première version de Something que vous trouvez dans l'anthologie. La saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur rjfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. goodbye. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'était une version un petit peu différente, on se comprend, de Two of Us sur RIG dans la saga numéro 372. Ce soir, je vous propose d'écouter l'album de la semaine. Cette chanson-là, dès la première écoute, je l'ai aimée. C'est Alligator sur l'album New de Paul McCartney, sorti en 2013, il y a 5 ans déjà. Someone setting them free. Someone breaking the chains. Someone letting them be. I want someone who can save me when I come home from the zoo. I need somebody who's a sweet communicator. I can give my alligator to. Seems to know what they're talking about, and I can see why it is. They got someone breaking them out, someone finding a key, someone setting them free. Could you be that person for me? Would you feel right setting me free? Could you dare? To my tricks, I need somebody used to dealing with a sinner whenever I get in a fix. Everybody else is busy doing better than me, and I can see why it is. They got someone setting them free, someone breaking the chains, someone letting them be. Could you be that person for me? Would you feel right setting me free? Could you dare? Nous en venions à la cover. La cover, vous savez, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit en tant que Beatles ou en carrière solo. Et cette chanson, même si eux-mêmes faisaient la reprise de, je sais pas, de Little Richard, de Chuck Berry, de qui vous voulez, eh bien, cette chanson, si un des quatre ou les quatre l'ont chantée et que vous, vous la reprenez ou un autre artiste connu la reprend, eh bien, ça peut faire objet de la cover. Là, nous allons parler d'une chanson qui date... attendez, je reprends mes papiers. Elle date de 1955. C'est Carl Perkins qui l'a chantée. Elle a été reprise par les Beatles au moment des de Decca. Vous savez, quand ils sont allés voir la firme Decca pour essayer de se faire embaucher avant 1962, quoi, et que ça n'a pas marché. On leur a dit d'ailleurs, je crois que c'est Decca qui leur a dit ça. Oui, mais les groupes, ça n'a pas d'avenir. C'est bon, ça va pas marcher. Tiens, je vous signale d'ailleurs, parce qu'on parlait avec Pascal qui est avec moi ce soir, du très bon livre de Philippe Norman sur Paul McCartney. Il y a un sentiment qui est dans ce livre qui est assez génial. On ne se rend pas compte, nous, depuis 2018, c'est que les Beatles et même les gens des années 60, pour eux, ils se disaient « on va faire une carrière à succès pendant 2, 3 ans, 4 ans, quoi. Et après, on fera plutôt comme on fait les gens des années 50, c'est-à-dire on va composer pour les autres. Mais nous, notre succès, ça y est, ce sera parti. » Eh bien, McCartney continue à composer en 2018, c'est absolument génial. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que les Beatles ont chanté cette chanson « Sure to Fall » pour les essais chez Decca, mais ça n'est pas resté. Et en 1981, Ringo Starr reprendra cette chanson, Sure to Fall in Love with You, et on l'écoutera juste après. On écoute d'abord la version de Carl Perkins de 1955, puis la version de 1981 de Ringo. Vous avez tout compris ? Sinon, prenez des notes, écoutez le podcast tout à l'heure, enfin demain, et vous comprendrez tout. I'm sure to fall in love. I'm sure to fall in love with you. You are so sweet, and we are so near. I'm sure to fall in love with you. I Want You For The Rest Of My Life. C'est dit et maintenant vous le savez. Je vous propose d'écouter une chanson qui date de 2001 sur l'album Jules Holland Small World Big Band en 2001 justement. Et à ce moment-là, on se disait, cette chanson fera partie du prochain album de George Harrison. Et si c'est aussi bien que ça, ça va être génial. Le seul problème, c'est que l'album est sorti plus tard. Il n'y a pas eu cette chanson dessus. Donc, il a fallu que je me procure l'album Jules Holland Small World Big Band pour avoir le plaisir d'avoir Horse to the Water sur RIG. Take a home. John Lennon en 1975, cette phase B. Et je vous propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est New, sorti en 2013 de Paul McCartney, bien entendu, avec ce titre, Turned Out. J'aime beaucoup cette chanson aussi. En fait, je vois pas pourquoi je vous dis toujours j'aime cette chanson. J'aime, quand c'est Paul McCartney, j'aime toujours, à de très très rares exceptions près. Donc si je n'aimais pas, je ne passerais pas. Du moment que ça passe dans la saga, c'est que j'aime bien. Ooh. hypothesize. Alors, si vous connaissiez la chanson I Don't Wanna Face It sur l'album de 1984 Milk and Honey, ça n'était pas la version de cet album-là, c'était la version des anthologies, un petit peu plus travaillée, enfin différente en tout cas. Et c'était très très bien. Elle a été enregistrée, elle a été écrite en 1977 et il voulait la donner à Ringo, cette chanson-là. Et puis finalement, bien ça n'a pas été le cas. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Je vous propose une série de Beatles, parce que ça me fait plaisir. She Loves You, Paperback Writer et Day Tripper à la suite. C'est pas beau érigé, si, c'est comme ça. C'est la radio des Beatles, le mercredi, entre 20h et 22h. She loves you. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Il a réussi à se frayer un chemin pour accéder au studio et c'est pas toujours facile tellement il a de fans. Dans quelques minutes, dans une vingtaine de minutes, il y aura Eric et son étonnant, fabuleux Johnny de A à Z. Pour l'instant, voici la dernière chanson de l'album de la semaine et peut-être ma préférée de l'album, I Can Bet. Je pense que c'est le riff que j'adore. Listen to me, we can give it a try. I'll look you straight in the eye and will you tell me what I'm gonna do next. I'll even tie it to your imagination. Do you hear me? If you don't understand, I'll take a hold of your hand and will you need me? What I'm gonna do next, I'll even tie it to your imagination. Come and feel it. USSR. On reste dans la musique douce après Back in USSR. Everybody's got something to hide except me and my monkey sur RG. Au départ, ça s'appelait Command Command. Et puis c'est devenu Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. On n'arrête plus la musique. C'est normal parce qu'il faut monter le tempo pour Eric dans quelques minutes. Voici 1985. Paul McCartney. Oui, c'est mon chouchou. Alors, j'en passe un peu plus et je fais comme je veux. Vous êtes sur RIG. C'est la saga des Fab Four. Yeah. Men on the Run sur RIG. On finit toujours une saga avec un Ringo Starr. Le voici, le Ringo Starr. Extrait de son nouvel album. L'album s'appelle Give More Love et le titre du morceau, Shake It Up. When the sun goes down, I'm gonna tell the lucky stars you're mine. Once in a while, you got to throw your dog a bone. Once in a while, you got to throw your dog a bone. Talk to it sweet, you're gonna wanna follow you home. Give a little love, it'll come back around. monde part en voiture faire un voyage, Eric, il vous emmène en fusée, directement vers le soleil pour être ébloui par son émission Johnny de A à Z. À très bientôt, merci les filles, c'est Wayne Mo, garçon, et bisous filles, à très bientôt, salut, ciao.